On aime mettre le feu comme les Hallyday. J'suis dans le sale et Goma dans des chats serrés. T'es un bon si t'es là depuis hors série. T'as vu son corps sur la basse, aussi y'a pas de surhomme. On enchaîne depuis peu, mais j'suis grave serein. Les carrés grave serrés, j'veux plus que le 4 série. J'leur fais du sexe au Katsumi noir comme la Katsuki. Ta mère, j'peux faire zouker. J'suis dans le bâtiment, j'fais deux fois scalp. Ma seule y'a workout, j'en ai des crampes aux doigts et j'encaisse. L'argent, la monnaie, elle est ma peste. Elle m'appelle Doudou au papy. J'la casse dans son lit et suis ses parents. Maintenant qu'il y a du buzz, il me suce la vie. Ta bouche, je crois pas, c'est un fait. T'as vu l'état de mon fut. Il est taché, méchant, t'as tout déchiré. Aou, aou. Ravitaille, cala ton pote. Redétaille, vend pas ta coupe. Les condés sans tête, ils enquêtent. Mais au premier tournant, j'tège la quête. J'ai un sac d'ennemis, j'fais du coup la houpe. Et toi, t'es qui? Négro pour me dire, tu l'as fait. Quand je veux, j'te fais. J'te savoure dans mon assiette, j'vais ce qu'il a fouille. C'est bibi pour bout du fil, j'le recherche le bord tout le temps. J'suis dans 4-4 Black Mat, vite un thé. J'en ai vu plus d'un avec cette teinture. Non, j'l'ai pas inventé, mais sur moi, t'as vu. Sur la bête ta mère, sur moi, t'as pas vu. Allez, casse ton père, ça te ferme en tes nuls. Je démarre le chromé, écoute ça, t'as trop mal des terres depuis chromosome. Faut la choc chromé, un coup de gaz lacrymo, on prend pas pour une crème. Patate dans le crâne, tu vois des étoiles, tout pas. Tu dois d'argent, j'ai les coups, tu vas te bé. Ramène mes sous et ensuite on peut parler. On a des groupies comme les Beatles, on prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles, je suis dans la vitale, tout dans ta grande sœur. On a des groupies comme les Beatles, on prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles, je suis dans la vitale, tout dans ta grande sœur. Bédo, bédo, bédo, bédo. Bédo, bédo, bédo, bédo. Et j'suis dans le bendo, bendo, bendo, bendo. Bendo, bendo, bendo, bendo. Elle tire sur le bédo, bédo, bédo, bédo. Bédo, bédo, bédo, bédo. Et j'suis dans le bendo, bendo, bendo, bendo. Bendo, bendo, bendo, bendo. J'allume un joint, fuck tes pamperettes. Connu comme Pompidou, technique comme Dembélé. Femme de frappe, tu baisses ton pantalon. J'passe même le pentagone, j'tire dans la tête à qui. On leur remet des DM, booze. Ils glissent comme bataille sur la PE, loose. Vente de stup, service à l'usine. 12h, 12h, j'suis le jobber du mois. J'ai du buzz et l'une de vos cousines. J'avais 1000 coussins mais c'est pas assez et ça devient lassant. Pour rappeur fâché qui parle des fachos. Méchant comme un tonton c'est la rine entêtée. Des terres puis la tétine, y'a personne pour m'éteindre. On bosse pour des gros sous, je veux manger et grossir la concu, j'engraisse. De leur côté c'est la tragédie, manger comme Dragi, puis j'ai fait du trajet là. On me dit Larry sort ton projet man, la sauce est délicieuse. J'fais plus les délits de fuite et remplis mon sac et mon gobelet. Elle me dit Larry t'es mon bébé mais j'm'en fous, j'calcule pas. Je laisse un vu et je reverrouille mon bigot. On a des groupies comme les Beatles, on prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles, je suis dans la vitale, tout dans ta grande sœur. On a des groupies comme les Beatles, on prend la monnaie comme les Beatles. On aime le succès comme les Beatles, je suis dans la vitale, tout dans ta grande sœur. Bédo, bédo, bédo, bédo. Bédo, bédo, bédo, bédo. Et je suis dans le bendo, bendo, bendo, bendo. Bendo, bendo, bendo, bendo. Elle tire sur le bédo, bédo, bédo, bédo. Bédo, bédo, bédo, bédo. Et je suis dans le bendo, bendo, bendo, bendo. Bendo, bendo, bendo, bendo.